Voici Guillermo Guy. Ah mais il existe. Il existe. N'hésitez pas à faire du bruit hein, si vous voulez pendant qu'il parle, n'hésitez pas. Ça va les amigos, ouais. Très bien. Vous connaissez la différence entre moi et Stéphane Bern? Oh. Il y en a plein. Ah oui. Plein de... le nom déjà, les cheveux, les habits, plein. Et c'est fou ce qu'on a comme différence avec Stéphane. Mais il y a un truc qui nous lie. Quoi, la haine de Nagui? Non, pas du tout, Leïla. Nagui, moi, je le hais pas. On fera jamais dire je le respecte, faut pas exagérer, mais je le hais pas. Hein. Non, ce qui nous lie avec Stéphane, c'est l'amour de l'histoire. Stéphane, tu lui dis l'histoire, il te dit j'en suis féru. Vraiment, oui, c'est son dada. C'est vrai, autant Omar Sharif, c'est le tiercé. Stéphane, c'est l'histoire. Et bien, pareil pour moi, je suis passionné d'histoire, j'en parle jamais ici parce que je veux pas vous faire de la peine. C'est vrai, du fait de votre absence de parcours scolaire. Et je sais que ce que vous allez me dire, Ernesto, fils d'un sucre et d'une touillette, certes, on n'a pas eu la chance d'avoir accès à l'instruction publique, mais on a soif d'apprendre. Apprends-nous, Ernesto. Oui. Apprends-nous. Allez, d'accord. Apprends-nous. On revient 150 ans en arrière. Il y a 150 ans, jour pour jour, on était en plein dans la commune de Paris. Non, oui. On dit la ville de Paris. Arrêtez de m'interrompre, Nagui. J'ai dit que je voyais pas, mais faut pas me donner le bâton. Non, franchement, de toutes les révolutions, c'est la commune de Paris. La commune de Paris, c'est un vrai laboratoire social et démocratique. De toutes les révolutions, c'est ma révolution préférée après le Titicaca de Guardiola. Et non, j'irai pas plus loin dans cette blague parce que j'ai perdu trop de monde en chemin. Revenez dans la blague. Mais la commune, politiquement, c'est une espèce de jardin d'Éden pour le progressisme, quoi, notamment pour les anarchistes. Parce que moi, pendant des années, je me suis considéré comme anarchiste. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'étais engagé sur France Inter. Et j'ai commencé à avoir une de ces flemmes d'être de gauche. Faut voir les droits d'auteur qu'on touche, un de ces pactoles, c'est des milliers et des cents. Franchement, tu mets Philippe Poutou chroniqueur sur Inter, dans deux ans, c'est Tanguy Pastureau. Hein. Franchement, il a une Rolex et il parle du ruissellement, c'est sûr. Enfin, soit, je reviens 150 ans en arrière, on est début 1871, la France vient d'être battue par l'Allemagne, j'ai envie de dire comme d'habitude. Hein. Ça vous arrive six fois par siècle, plus ou moins. En général, il y a les Américains qui viennent vous sauver la tronche, mais là, attention. Les Américains ne pouvaient pas, ils avaient frisbee, je crois. Du coup, les Allemands slash les Prussiens à l'époque, eh ben, ils gagnent. Napoléon III gicle et à la place, on met un gouvernement dirigé par un certain Adolphe Thiers. À l'époque où ça s'appelait Adolphe en France, ça passait normal. aujourd'hui, tente-le. Oh, on a des jumeaux, Mathéo et Adolphe. Regarde qui vient au baptême. Vraiment, tu sais quoi? Bon, le gouvernement d'Adolphe Thiers laisse les Prussiens défiler dans Paris. Sauf que dans Paris, il y a une résistance populaire armée qui s'est créée entre temps en mode ici, c'est Paris! Ici, c'est Paris! Paris ouais, c'était avant le Qatar et tout, tu vois, il y avait des jours incroyables. Comme Rai et tout, il y avait Francis Tiasser. C'était une époque incroyable. J'arrête avec les blagues de foot de niche. J'arrête avec les blagues de foot de niche, hein. J'ai perdu trop de monde en chemin. Ouais. Revenez dans la blague. 18 mars 1871, le gouvernement envoie l'armée récupérer les canons qui traînent dans les quartiers populaires. Et frère, ça va partir en nouilles sautées au poulet. Ça va être foufou. Ça va partir en foufouterie. Ça va être foufoutage. Les Parisiens se révoltent, ils prennent l'hôtel de ville, le gouvernement et l'armée se barrent à Versailles et la commune est instauré. Mmh. En gros, hein, si vous voulez plus de détails, demandez à Daniel, lui, il y était. Il sortait avec une Prussienne à l'époque. Truda, un pied beau, mais un charme. Hein, Daniel, il te raconte cette anecdote, t'as des frissons. Franchement, ça fuite en Autriche-Hongrie, c'était un truc. Mais bon, bref, la commune de Paris, ça va durer 72 jours. Ça va durer 72 jours. Mais pendant ces 72 jours, il va y avoir des avancées sociales formidables. Genre, tout le monde reçoit des AirPods. Incroyable. Il y avait une grosse révolte contre les écouteurs avec fil et tout, ça faisait des nœuds relous. Donc, tout le monde était là. Conditions, on n'écoute plus nos playlists grâce à la commune terminée. Mais bon, on va aussi tenter l'instruction gratuite et obligatoire, la séparation de l'église et de l'État, la gratuité des loyers, l'autogestion des usines et des percées pour le droit des femmes. C'était l'époque de Louise Michel, que vous connaissez, Louise Michel Drucker, la première femme du célèbre animateur. Munie d'un chien. Et si vous n'aimez pas cette blague, c'est dommage, parce que j'en ai plus. Alors voilà, la commune va être réprimée dans le sang par l'armée française. Conclusion, vous me connaissez, je suis pas souvent fier des Parisiens, mais là, franchement, vous êtes stylé. Allez, bonne merci à la commune. Et bonne émission. Mais n'applaudissez pas. N'applaudissez pas. Mais si, c'est une horreur d'histoire. Mais si, malgré les apparences, je l'aime, Guillermo.